verse une goutte à la mémoire de mes pères. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Sous votre cieux sont allés les nien nien, tien tien, tien sien. Lève mon verre, ainsi va la vie, qu'à cela ne tienne. Aux larmes de chagrin, rougis mes yeux. Sous d'autres cieux sont allés, les miens, miennes, tiens, tiennes, tiens, siennes. Lève mon verre, ainsi va la vie, qu'à cela ne tienne. Aux larmes de chagrin, rougis mes yeux. Trop jeune, beaucoup trop jeune pour passer l'arme à gauche. Une prière agresse, pleure le bon Dieu dans ses multiples caprices nous l'exauce. Le facto, mes péchés confessent. Trop jeune, beaucoup trop jeune, à fleur de l'âge. Existence, espèce de lâche, compliqué de mes membres pour qu'on vrai je flanche. Grosse erreur, slash, je me fâche. Quoi plan rien ici-bas, quoi qui est bien. Quoique, au sein de mon destin, autour de moi, à quel sein vouer, si ce n'est bien souvent les broches. Et toi, des claquements de doigts, sans crier garde. Tu mets les fauches, quand ma tête se pose, mon cerveau se remplit, présent souvenir. Cherche à comprendre comment cela est-il possible de la part du Tout-Puissant. Débile, n'est-ce pas? Alors dans ces rues, moi, joue le fada. Sous d'autres cieux sont allés, les miens, miennes, tiens, tiennes, tiens, siennes. Lève mon verre, ainsi va la vie, qu'à cela ne tienne. Aux larmes de chagrin, rougis mes yeux. Sous d'autres cieux sont allés, les miens, miennes, tiens, tiennes, tiens, siennes. Lève mon verre, ainsi va la vie, qu'à cela ne tienne. Aux larmes de chagrin, rougis mes yeux. Mes pas sur le sable mouvant, en perte d'équilibre, caché assez souvent. Et c'est tout, c'est avec mal d'autres horizons. Olivier 4, 16 ans, conscient du fait qu'autant n'emporte le vent. Frère, sœur, nièce, neveu, cousin, cousine, tonton, tati, pouvoir de là-haut. Grand-père, grand-mère, regarde, brine de bangue, nous disent bravo. Mes pas sur le sable mouvant, en perte d'équilibre, caché assez souvent. Voici pour vous ma messe, mon nom est dit. Attends mon heure afin de vous rejoindre dans mon nouveau choisi paradis. Je vous aime bien, mais laissez-moi voir grandir mes mômes. Écrire les tombes sur l'épée de Damoclès, la couche de zone. Époque après époque, que je chante encore et encore. Sur mon toit le coq, une place de choix dans mon cœur. Vous savez bien volontiers d'où les draps de soie. Cela va de soi, à l'infini. Cela va de soi. Sous d'autres cieux sont allés, les miens, miennes, tiens, tiennes, tiens, siennes. Lève mon verre, ainsi va la vie, qu'à cela ne tienne. Aux larmes de chagrin, rougis mes yeux. Sous d'autres cieux sont allés, les miens, miennes, tiens, tiennes, tiens, siennes. Lève mon verre, ainsi va la vie, qu'à cela ne tienne. Aux larmes de chagrin, rougis mes yeux. À vous je pense, chers amis, sachez-le, sachez-le. Où que vous soyez, où que vous soyez. Et souffre ce cœur, lui si pur, lui si pur, lui si pur, lui si pur. À bientôt. Sous d'autres cieux sont allés, les miens, miennes, tiens, tiennes, tiens, siennes. Lève mon verre, ainsi va la vie, qu'à cela ne tienne. Aux larmes, le chagrin, rougis mes yeux. Sous d'autres cieux sont allés, les miens, miennes, tiens, tiennes, tiens, siennes. Lève mon verre, ainsi va la vie, qu'à cela ne tienne. Aux larmes, le chagrin, rougis mes yeux.